activation orale, présent duratif. Répondez selon les exemples. Vous entendez. La grand-tante Amélie est veuve. Et vous répondez. Oui, il y a 50 ans qu'elle est veuve. Vous entendez. Robert est à Paris. Et vous répondez. Oui, il est à Paris depuis le 28 mai. Le 28 mai est l'indication d'un point dans le temps. 3. Robert est à Paris. Oui, il y a 2 jours qu'il est à Paris. 4. Mireille est étudiante. Oui, il y a 1 an qu'elle est étudiante. 5. Mireille se repose sur un banc. Oui, elle se repose depuis 10 heures du matin. 6. Le jeune homme se promène dans le jardin du Luxembourg. Oui, il y a 1 heure qu'il se promène. 7. Il fait beau? Oui, il fait beau depuis le mois d'avril. 8. Les étudiants font la grève. Oui, ils font la grève depuis le 1er mai. 9. Mireille s'habille à prise unique. Oui, il y a longtemps qu'elle s'habille à prise unique.